Lucifer, nous n'avons pas été perdus. La lutte suprême nous appelle tous, et Jésus lui-même marche devant nous. Des aveux en flammes, tous ces combattants, et soutiennent la main des plus exigeants du Christ, du Christ, là-bas, à Bagnères-Rosset, déploie au vent, au vent, pour la sainte guerre, soldats en enfants du Christ, du Christ, là-bas, à Bagnères-Rosset, déploie au vent, au vent, pour la sainte guerre, soldats en enfants. Ennemi redoute les noces du roi. Il paye en déroute au cri de la voix. Acclame, acclamons ensemble, aussi d'un seul cœur, et que l'enfer semble à ses noms vainqueurs. Du Christ, du Christ, la Bagnères-Rosset, déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en enfants. Du Christ, du Christ, la Bagnères-Rosset, déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Nous suivons les traces des saints d'autrefois, par la même grâce, sous les mêmes lois, vivant des miracles, l'Église de Dieu. Triomphant tout lieu. Alléluia! Du Christ, la Bagnères-Rosset, déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Du Christ, du Christ, la Bagnères-Rosset, déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Et les anciens coulent, et tout est pas à grand bruit s'écoule, connaissez-en pas notre citadelle. Ne permet contre tous. Église fidèle, espérant, Amen. Christ, dit Christ, là-bas, la bannière se déploie au vent. Oh, oh, vent pour la sainte guerre soldat avant. Christ, dit Christ, la bannière se déploie au vent. Oh, oh, vent pour la sainte guerre soldat avant. Sois suprême, monarque éternel, d'un peuple qui t'aime, le feu solennel. Gloire, amour, hommage, j'en âge partout et partout. Et Christ, dit Christ, la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre soldat en vent. Y Christ, là-bas, la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldat en avant. Soldat en avant. Que la bannière de Christ se déploie au vent. Je m'attends ni peuple ma casse folie. Sembola bannière. Tombola bendele ya Christo. Ata ebandi ko mona ete so pasukandambu. Tombola ngoseli kolo. Elonga ekimate, elonga ebungate. Molende ekimate, molende bungate. Que la bannière de Christ se déploie au vent. N'ayez peur de rien, soldats, à l'avant. Pensez, attaquez. N'hésitez pas, avancez. Soldats, à l'avant. Soldats de Jésus-Christ. Maintenez les flambeaux toujours haut. Christ a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Si tu entends les obus, la détonation des armes lourdes, si tu entends des cris de mort, que l'un est abattu là-bas, mais le Seigneur a dit que 1000 sont à ta droite et que 10 000 sont à ta gauche. Toi, tu restes la porte de tes yeux seulement. Tu verras la résurrection de tes ennemis. Dieu est vivant, il veille sur sa promesse. Il a besoin de croyants qui le prennent au mot. Il dit là, très haut, il nous voit tous. Il nous voit tous. Il veut voir l'action de ta foi. Que la bannière de Christ, l'emblème de Christ, soit maintenue toujours haut. Même si les balles nous atteignent, même si des blessures nous parviennent, même si des pierres nous tombent dessus la tête, que la bannière de Christ soit toujours élevée. Nous sommes plus que vainqueurs. des soldats qui doivent reculer et s'enfuir. Pas moi, pas toi, pas nous. C'est le soleil démon qui doit reculer et s'enfuir. Pas toi, pas moi, pas nous. Que la bannière de Christ soit toujours élevée. Du Christ à la bannière. Célèbre, c'est des proies au vent. Pour la sainte guerre. Les soldats en avant. Et c'est le cantique Hosanna numéro 228. La lutte suprême. Nous avons chanté en disant, la lutte suprême nous appelle tous. Et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous ses combattants. Amen. Misonaye engalela. Babundinaye oyaye nyonso. Et soutienne l'âme des plus hésitants. L'ennemi redoute le nom seul du roi. Amen. Il fuit en déroute au cri de la foi. Amen. Acclamons ensemble Jésus d'un seul cœur. Alléluia. Et que l'enfer tremble à ses noms vainqueurs. Nous suivons les traces de Saint Dosophata. Par la même grâce. Sous les mêmes lois. Vivant des miracles. L'église de Dieu. Et tous les obstacles. Triomphent en tout lieu. Là aussi c'est un lieu. Ici aussi c'est un lieu. Où se tient en marche l'église de Dieu. Et tous les obstacles rencontrés. L'église de Dieu triomphe en tout lieu. Que les gens s'écoulent, que de toutes parts, à grand bruit s'écoulent, trône et rempart. Notre citadelle à nous ferme, tient ferme contre tout. L'église fidèle restera debout. Ça fait. C'est le chant de l'hymne des combattants. Les combattants de la foi chrétienne. Reçois chef suprême. Ça, c'est l'hommage final. Toi, monarque éternel. Le feu solennel. Gloire, amour, hommage. Au ressuscité, qu'il soit d'âge en âge, partout exalté. Jésus aime ça. Amen. Il aime être adoré pour ses mérites. Il aime être remercié, adoré, reconnu pour ses bienfaits. Il est Dieu le vainqueur de la mort. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Il est le prince de paix. Le Père de l'éternité, le roi de beauté, il est merveilleux en sagesse, et par lui toutes choses ont été faites. La plénitude divine est incarnée en lui. Amen. Alléluia. Yetatana libela, mokunze kisoko, ye astala kimoto, namayele na ye, vikundi nampozambe, vezalika kina ye, nonso, namayele nonso, na, Ukolo itonde na pazambe, non sana ye ome non sana, embele non sana. Mule yeso aitale zambe, yuyaja, non sana, yembele non sana. promesse n'en s'envoyait. Amen, non. Aïe, non, ça, non, ça, aïe. Et pour appeler l'homme, Louia, non, ça. Y est Emmanuel Zambé. Y est Emmanuel Zambé. Et l'on va n'appuyer. Y est bon, l'humo, ajalé. Et c'est qu'un chant. Dans marche au devant de nous. Pour la sainte guerre. Louange à celui qui règne éternellement. Louange au roi des rois Jésus-Christ. Le roi des saints. Le Dieu suprême. Le monarque éternel. Le roi qui ne sera jamais détrôné. Le pouvoir est éternel. La domination est éternelle. Il est illimité. Il domine partout. Nous allons lire la parole maintenant. Dans la Sainte Bible. Psaume 76. Verset 5 à 8. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Amen. Tu es redoutable, ô toi. Amen. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Amen. Bato na molende, babotolami biloko bipongi bango, balali mpongi, bilombe yango nyonso, bayebaki komibatela te, na ntina na kopekisa na yo, ye Nzambe na Yakobo, pongi makasi ekangi makalo na etumba mpe mbalata pela moko, ye ozali kopesa nsomo bobele yo, nani akoki kotelemela liboso na yo soki oyoki ntanda monene. Psaume 94. Mandando, tukulibu, verset 14 à 17. Yono, Psaume 94, verset 14 à 17. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Amen. Il n'abandonne pas son héritage. Amen. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nani akotelemela mpona kobatela ngai epai na bato mabe, nani akotelemela mpona ngai ete abunda na baoyo bakosalaka bokeseni. Soko Yawe azalaki masonge na ngai te nde molimo na ngai ekei noki na esika na kino. Marc chapitre 6, verset 45 à 48. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Nokinoki akonisi bayokoli na ye na bwato mpe asimbi bango ngambo epai na Bethsaïda. Naino ye azalaki kopangisa ebele. Sima na kotinaka na bango abuti ngoma mpe na kobondela. Esili botuku ya bato ezalaki kati na liboke mpe ye moko azalaki na mokili. Amoni bango kotumolaka na kati na koluka mpo ete mopepe ezalaki kozongisa bango nsima. Nango na minei na butu mpenza ayei epai na bango kotambolaka likolo na mai. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Que sa présence comble nos cœurs. Et que vos prières soient exaucées. Nous étions venus chauds contre l'ennemi. Et nous demeurons chauds contre les ennemis. La victoire appartient aux croyants. Nous devons résister contre toutes les astuces du diable, ce stratagème et cette malveillance. Nous avons le droit de dire non. Et Dieu peut nous soutenir. Il est le souverain sacrificateur de notre protection. Nous devons être vigilants et regarder bien. Qui n'ait pas accès. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ici, dans le psaume 76, nous avons lu, on va y aller rapidement. Il y a ces gens-là qui sont des terroristes pratiquement. Ils ont peur de voleurs d'hommes et n'importe quoi. Mais le Dieu que toi et moi nous servons, il est plus majestueux que ces gens-là. Que tous ces terroristes Dieu que tu adores, le plus majestueux que ces gens-là. Par leur souffle de vie, dépend de votre Dieu. Et leur bonne santé dépend de votre Dieu. La force qu'anime leurs membres dépend de votre Dieu. Voyez, il est écrit, tu es plus majestueux. Plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Là où eux se cachent. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne savent pas que leur souffle vient de notre Dieu. Quand ils font le mal, ils vont se cacher dans les montagnes. Et c'est notamment à cause de ces genres de montagnes à l'est du pays que les criminels continuent à prospérer pendant plusieurs années parce qu'ils ont des endroits où ils peuvent se cacher dans les montagnes de Rwenzori, dans les montagnes de l'Ituri. Mais notre Dieu est plus majestueux que les montagnes de l'abyssaire. Qui enlèvent hommes et femmes qui ravissent et confisquent tout. Ils sèment la terreur et font régner la peur. Mais notre Dieu est plus majestueux que eux. Les humains peuvent craindre ces gens-là. Ils étaient pliés ça par un million de fois. C'est la grâce que nous devons au Dieu créateur. Ce que nous devons craindre et redouter. Mes chers amis, comprenez. Il est plus majestueux et plus puissant. Dieu est plus majestueux et plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Et se cache dans des montagnes inanimées. Notre Dieu est le suprême et le très haut. La source même de vie et de mouvement. En un rien de temps, il peut tout neutraliser. Quel sort leur a été réservé? Eux qui ravissaient et qui ont dépouillé plusieurs, qui ont fait régner la terreur, qui se sont craindre dans toute une région. Parce que notre majesté plus puissante peut les réveiller le monde. Nous sommes dans le 6, ils ont été dépouillés. Les choses qu'on vous vole, les choses qu'on vous confisque, les choses qu'on vous extorque, parce que ce qui se croit plus fort, parce que ce qui se croit tout permis, parce que ce qui se croit détenir le pouvoir, dans un coin, dans un lieu, ces choses-là, Dieu peut tout ravir. Il peut les laisser cadavres et tout le reste à la belle étoile. Servez un Dieu plus puissant. Quelqu'un qui croit Dieu dit alléluia. Alléluia. Reconnaissez qu'il est ça. Même si tu es encore hésitant, cela ne changera pas Dieu. Il est plus majestueux, plus puissant que les montagnes de ravissement. Il se cachait pour être plus fort, pour ne pas être attrapé. Et leur cachette est inanimée. Retraite à nous est vivant. Et la sécurité la plus certaine. Ils ont été dépouillés. Ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Et qui leur a infligé ce sommeil? Ils leur ont imposé leur dernier sommeil. Les derniers sommeils ici, c'est la mort. Balali, c'est un serpent mort. Celui qui ne sait pas qu'il est mort aura peur de la forme du serpent. Le serpent sans vie ne constitue aucun danger. Pour lui a été ravi. Non, ceci, quelle que soit la forme et l'apparence du corps. Régnez Dieu plus que ces terroristes. Régnez Dieu plus que les kidnappeurs. Régnez Dieu plus que les extorqueurs. Les ravisseurs. Dieu est plus puissant que cela. Même si tu tombes entre leurs mains, n'oublie pas ce sermon. Souviens-toi de ce sermon, c'est la parole qui demeure. Dieu est plus majestueux et plus puissant. Il ne change pas de langage. À cause des tortures. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de l'air dans le sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. Qui peut se défendre contre Dieu? Dont son souffle dépend. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment se défendre? Quand il veut te dominer, il veut t'écraser, résistance nulle. Défense zéro. Dieu est le plus fort. À ta menace, Dieu les accorde. Ils se sont endormis. Cavaliers et chevaux. Et le cheval qui porte les ravisseurs. Et le ravisseur lui-même. Dieu est capable d'anéantir les deux en un instant. Alalisi punda. Il a ce pouvoir à tout moment. Sachez-le. À ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Prière redoutable au toi. Qui peut te résister quand ta colère est là? Qui peut résister? Oh, qui n'a peur. Quand la colère de Dieu éclate, Dieu dit c'est trop, pas jusque-là, plus rien ne peut résister. Même pas un trône politique. Même pas un pouvoir présidentiel ou royal. Dieu peut tout anéantir à tout instant. Et rien ne peut lui résister. L'Église dit Amen trois fois. Amen trois fois. Amen. Rien ne peut résister à son Dieu. Ce que vous voyez faire, c'est ce qu'il permet à vous. Ce que vous voyez faire, c'est ce qu'il laisse faire à vous. Mais il est là, il a tout l'univers. Il n'y a pas une portion qui échappe à vous. Domine partout. Seul, croyons-le. Même sa maladie n'est rien devant lui. Même sa douleur infernale, ainsi. Il n'abandonne jamais son peuple. Il peut confondre et anéantir. Mais il protège les siens. Voyez pas. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous la rédemption dans la totalité du peuple. J'espère que rien que le titre vous l'aimez déjà. La rédemption dans la totalité et dans la vie. Chez les 30 mars 1963 à 65. Maintenant, pour chaque croyant. Pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu naît de nouveau. Quand la mort vient à la porte, comme un voleur, il veut voler ta vie que Dieu te donne. Moïse Omoni ndoki belela. Omoni moyibi belela. Omoni liwa belela. Oh. Maintenant, quand la mort vient comme un voleur, et frappe pour s'ouvrir la porte prématurément avant le temps de Dieu. Zambé a comment va mibou na yo asiawa a comment va mikolo kolegi sa wana se mais liwa e ya kapelo kola moibi amoni vie na yo a yokizwa amoni réussite na yo a yokizwa amoni bomengo na yo a yokimotema pasi alugi sikoyo abo mayo okufa kaka comme ça amona ka suba sen wana te. Oh, bah, témoignage, oh, il va basali, oh, Dieu est ceci. A mon imoté ma passe, à l'inga éliminé, oh, aïe, pema na bomoi. Ça, c'est que c'est une réalité. Tu dois t'opposer. Le ravisseur Dieu est plus majestueux, plus puissant que les montagnes de ravisseur. Même cette mort-là, là où elle peut se cacher, pour qu'elle ne soit pas vue. Pour moi, il y a toujours malembe, abattami na simalibaya, abattami si ma poto, yewa na vesti de mouvement, a djembeli yukolo amir, a bobi et longi, mouyipri. Tu peux lui dire non. La mort peut venir aussi des fois comme ça. Quand vous êtes combattant spirituellement formé, quand il s'agit là de réalité du monde, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, vous voyez ce qui se passe. L'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Attends, malade, si mis autre, moi je l'en ensemble, à vous s'interposer. Malade, hein, on l'a dit, mais les voix oyo et ça simanayo. Et son dieu mbele simanayo. Et batami simanayo malade, les voix wana na bloqué. Amen. L'ange de Dieu fera ça. C'est pour chaque enfant de Dieu. Quel privilège. Quand la mort vient à la porte comme un voleur. Prématurément. L'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Et manque de spiritualité de consécration. C'est de notre faute. Mais tu as le droit en tant que croyant de détecter les voleurs. Et de croire à l'ange de Dieu. Je veux dire, je n'aimerais pas. C'est pas mon temps. Mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles du Seigneur. L'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, vers la mort donc, vers la prématurée, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce qu'il y a un pasteur ou un loca comme l'église. Oh, nani, a quoi bundisa? Oh, bundisa, il y a nani? Tu n'es pas sérieux, tu ne connais pas Dieu. Tiens la Bible parce qu'il y a des naïfs qui t'écoutent. Nous devons aller au front. Que la bannière de Christ soit dressée. La victoire nous appartient. Christ est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu l'enfer. Et ceci est l'absolue vérité. Et Nous revendiquons la victoire. Nous allons la victoire de Christ à la mort. Pourquoi les voleurs peuvent venir, la porte est fermée, Mais nous avons le contrôle. Louange à Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ. Il est merveilleux et mythique. Quelle que soit la pression de la maladie, ou l'apparence de votre corps, ne craignez rien. Il est la résurrection et la mort. Il a vaincu la mort et la terre. Il est vivant éternellement. Prenez contrôle de ces portes. La porte appelée tentation. Possédons ça. Vous ne pouvez pas être esclave du péché. La porte appelée maladie. La porte appelée 17 ans. Écoutez bien, amis, pour ça. De quoi aurez-vous peur? Même pas des fantômes. Attends, oh non, les morts de ma famille. J'avais fait beaucoup de choses contre eux. Quand ils étaient vivants, maintenant je crains que dans l'au-delà, ils étaient sur moi. Rien à craindre. Par Jésus-Christ, est le juge des vivants et des morts. Le juge des vivants et des morts. Il est la porte des saints. Il est ton avocat. Et il est juge de vivants et de morts. Il est Ravir la victoire. Et même confisquer leurs armes. Même les armes, les démons, nous devons ravir. Papolier, et le monde est au sud du monde, va gagner le Je veux le réveil des combattants. De croyants, chaque croyant. Prenez-vous debout, soldats, en avant. Voyez ça? Si vous voulez vous précipiter vers elle, vous regardez. C'est comme une colo. Ce qui m'a fait la tabernacle, vous vraiment dit. Ah, nous, on a mais vraiment, nous, on a dit, quand Dieu dévoile des cabales et des diables, nous savons en qui nous avons cru. Quelqu'un va dire, mais il y a pas mal. Il y a un impact, ma gamme, c'est un monde invisible. Il y a un monde de vos âmes, discernement, et ça, le goût de vous. Que Dieu nous aide. Réveille-toi et comprends que Dieu t'a écrit. Vous pensez que Satan m'a cadeau. Vous pensez ma victoire au filet. A gagné moi, c'est rien, mon gosse, moi, il est loco. Moi, là-bas, c'est vraiment ma voix. Vous voyez que la Satan m'a bon, vous voyez ce que vous voulez. Moi, je compatis pour Jésus. Les intérêts de son royaume. Rien que ça. Donc, si vous voulez vous précipiter vers cette mort qui vient comme un voleur, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il se place entre vous et la mort. L'ange de Dieu se place entre vous et la mort. Je vais vous donner un exemple personnel. Une expérience vécue. La parole que nous prêchons, elle est réelle. Elle est vérifiable, expérimentale. Il y a 23 ans, à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher m'a donné 3 heures de vie. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville. Il m'a donné 3 heures à vivre. Il y a 23 ans. Je suis en vie ce soir. Alléluia. Amen. Le docteur a dit 3 heures. Et ce n'était pas la parole de Dieu. C'est l'esprit de mort qui utilisait la bouche du docteur. Tout ce qui est contraire à la parole, que les yeux sur les promesses de Dieu. C'est l'homme de confiance qui a parlé. Nous sommes liés aux promesses de Dieu. Pas aux paroles des hommes de confiance. Voilà. Faisons la part des choses. Bonhomme dit pourquoi? Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est placé entre moi et la mort. Pour me protéger, et j'ai accepté cela. Donc, il pouvait aussi accepter les déclarations du docteur et mourir aussitôt. Docteur, le col le bien noyé bisoto. Ceux qui bon mon corps dans un menace, vous avez un bouzo bas. Blouse blanche. Vraiment autoritaire. Classe très civilisée. Mais je n'aurai pas honte de Jésus. Meilleur chirurgien de la vie. Installé le diagnostic, examen, 3 heures égales. Mais 23 ans plus tard, Branham toujours en vie. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu s'était placé en train de au lieu d'accepter le problème, la parole de grâce de Dieu. Et la vie a vaincu la mort. Tu peux tenir par ça. Et pour exprimer ma gratitude, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 500 000 d'âmes pour lui. Alléluia. Voyez ça? Dire merci à ce Dieu qui m'a fait ça. Mon corps pouvait être déjà pourri dans la tombe. Mais il m'a gardé en vie. Est-ce pour pécher les trahis? La porte appelée tentation, nous la possédons. On ne peut pas tomber dans le péché ni être esclave d'aucun mal. Tu peux dire non au péché et le péché te craindra. J'ai dit qu'il n'y a aucun péché plus fort que toi. Il n'y a aucun péché plus fort que la foi chrétienne. Il n'y a aucune impureté plus forte que la foi chrétienne. Il n'y a pas de jamais. Chassez les illusions. Ôtez ces pensées qui vous pourront faire que vous n'avez pas de Dieu fort. Vous allez m'en faire. Amen. Vous n'avez pas de Dieu fort. Vous n'avez pas de Dieu fort. Vous n'avez pas de Dieu fort. Des mots d'essoufflement dévoilés hier. Des mots d'essoufflement dans la prière. Il doit prier sans cesse. Dans l'évangile, il y a la force pour se rendre capable de prier. Chapeau, Libanda. Vous dites, on a dit, c'est tout. Oh, comme Dieu sait bien faire les choses. Si nous suivons simplement, n'essayez pas de conduire Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Voyez, c'est nous qui devons être conduits. Maintenant, quand nous opposons à la mort, est-ce que nous essayons de conduire Dieu? La Bible dit que Dieu seul est celui qui peut tuer et faire vivre. Maintenant, c'est précis. Dieu a fixé un terme que l'homme ne peut pas franchir. Mais le voleur ici qui vient voler les vies. Petit bélier. Ok. Et tu as mis la kinjasa. C'est pas que nous conduisons Dieu, mais c'est Dieu que nous conduisons. N'ayez pas de confusion. Êtes-vous là? Très bien. Dieu sait bien faire les choses. Si nous suivons simplement, n'essayez pas de conduire Dieu. Laissez Dieu vous conduire. C'est nous qui devons être conduits. Je pense que c'est pour cette raison que Dieu vous compare à des brebis. C'est bon? Ça nous aimons. Ici dans le psaume 94, il dit, verset 16 et 17, qui se lèvera pour moi contre les méchants? Quand Dieu te donne 20 ans de vie, mais la mort comme un voleur à 8 ans. Elle est gentille. Elle veut voler 12 ans de vie. Dieu te fait vivre 12 ans encore, mais lui vient 8 ans. C'est pas ça. Dieu te donne 90 ans de vie. Et la mort vient à 48 ans. Et toi, tu c'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le nombre d'années que Dieu a écrit pour toi. À cause de l'ignorance, tu vas t'aider. Nous disons non. Toboï. Il dit, qui se lèvera pour moi contre les méchants? L'ange de Dieu, monsieur. Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? L'ange de Dieu, bien sûr. Oui. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours, c'est qu'il peut te secourir. Car il connaît les secrets de ta vie. Des années de vie. Oh, il peut nous garantir de la force. Hein? Il peut nous préserver du séjour de mort, dit la Bible. Et si son secours n'était pas là, il peut te retrouver très vite. Prématurément. Dans le séjour des morts. Mais le verset 14 dit ceci. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Ça, nous aimons et nous croyons. Comme Dieu est si bon. Comme il est si bon, ce Dieu merveilleux. Écoutez, dans le sermon Jéhovah Jireh, deuxième partie, où c'est aussi intitulé El Shaddai, la prophétie exploitée du 2 août 1960, nous dans la présence de Dieu. Nous voyons ici, peut-être qu'en t'étant juste une fois, vous n'obtenez pas assez de force. Vous venez puiser juste un peu, quelques sermons, et puis vous vous dites, je vais affronter. Peut-être que vous n'avez pas encore accumulé assez de force pour tenir. Continuez à puiser les forces auprès de Dieu. Vous venez dans la présence du Seigneur, vous retirez votre âme vraiment. Dites, Seigneur, ajoute toute force que tu veux. Restez simplement là. Tirez de lui la force jusqu'à ce que vous marchiez. Jusqu'à ce que le cancer quitte. Même si c'est confirmé cancer. Tirez la force jusqu'à ce que ça vous quitte. C'est elle qui doit fuir, ce n'est pas toi qui dois paniquer devant elle. Aujourd'hui, cancer, au bani au lingi. Ponanini. Avez-vous perdu cancer? Il vient pour accompagner la mort. Il se cache là derrière, c'est lui. Il vient comme un voleur sans autorité. Il peut lui résister et l'écraser. Parce qu'il n'a pas l'autorité de Dieu pour faire ce qu'il fait. Il vient au nom de Lucifer pour nuire. Vous voyez briser les familles. Tenez-vous devant Dieu El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui porte les mamans. Il a des seins pour faire tester ses amants. Tester suffisamment. Et accumuler assez de force. Jusqu'à ce que même si vous étiez paralytique, la force que vous tirez de lui, atteignez sur vos membres, c'est vous marchant. Même si le cancer était confirmé au stade du cancer mortel, vous tirez la force de Dieu, et le cancer recule, vous quitte. Et la mort qui se cachait derrière les champignons. Le secret des fois c'est ça, on ne tient pas des fois longtemps. On ne tient pas de temps dans la prière. Que Dieu attend d'abondantes prières. Vous voulez ce genre de victoire là? Mais il faut multiplier par 8. Peut-être. La durée de prière. Prière fait! Prière la force là! Yo, il y a pas 2 minutes au Suginayo. après mon aïe, à ce moment-là, toi vraiment, ouais. Hein, Dieu vraiment t'a écouté, hein? Non, mais c'est pas le temps, qu'il est bimé dans le zolo. Et bimé. C'est fini. C'est fini. Naïf. Voilà, bon, bon. Qui n'en soit pas ici. Continuez à tirer la force. Consacrez-vous dans sa présence. Vous ne soyez pas tiraillé quand il faut. Refusez de voir tout ce qui est contraire à sa parole. Refusez de voir le cancer. Refusez de voir tout ce qui est contraire à sa parole. Et là n'existe pas. Refusez de voir ça. Considérez même que ça n'existe pas. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Comme Jonas. Ce sont des vanités mensongères. Je ne fais même pas les voir. Je ne fais pas les reconnaître. Non, non. Moi, je vois ce que Dieu a dit. Ne voyez pas les Amoréens. Ne voyez pas le cimetière. Ne voyez pas ces choses. Voyez la promesse de Dieu. Dieu nous a fait la promesse. C'est à Dieu de s'en occuper. Oui, oui. Or, je sais que la mort va frapper. Inéluctablement tout le monde. La mort frappe à la porte de chacun de nous. Et toi aussi, tu lâches prise. Mais tu dois résister. Tu dois refuser quand c'est pas le temps. La mort frappe à la porte de chacun de nous. Mais parfois, juste à cause de l'incrédulité, nous lâchons prise et nous allons prématurément dans la tombe. Ton messager t'avertit. Ne sois pas naïf ou bleu à ce sujet-là. Dieu ne veut pas que cela nous arrive. Mais c'est nous-mêmes par incrédulité qui provoque la peur, la panique. C'est-à-dire, entre ici sur le soleil, ici sur la terre, et puis de l'autre côté là-bas, et tout ça. Hein? Ici et là-bas, je préfère aller là-bas. Nous avons l'incrédulité. Des fois, c'est de l'irresponsabilité spirituelle. Tu dois marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, nos cimetières ici renferment des secrets. Hein. Il y a des gens qui sont là-bas, mais Dieu ne voulait pas qu'ils soient là. Des fois, Nicolas dit, sambele, koukote, là-bas, église, y'a bambouki, et des gens qui ne sont là que pour entraîner les gens dans l'incrédulité. Ils ne veulent pas prendre les gens à combattre. Tout doit être froid, comme comme les Thompson à la chambre froide. Oh, écoutez. Donc, il dit ceci. Je vous vais gérer la prédication est du 2 août 1960. Que nous lisons. Il dit ceci. Dieu ne veut pas que cela nous arrive. Il veut que nous lui fassions confiance. Et que nous croyons en lui. Et que nous disions que la chose est ainsi. Et tenez-vous-en à cela. C'est ce que Dieu veut. C'est toi qui ne vois que les cimetières. Oh, Je suis venu ici. Où est ta foi vraiment? On nous regarde douleur, mon copain, je vais étrangler, je dis qu'il y a moto dans la gorge. Ah, non, moi, je n'ai pas le bâté. Et si l'on reprend la même, à cette année, même à ta zamba, ça y a un moment, zamba, ça y a un tangonini. Il est là, incrédulité. On va nous condamner. Au kokoufa, le cola, m'pété. Moi, je suis pas venu à la bâture, on est là, on a cher. Il est pour la yéza fête. À ce bête, on va défiler, on a yé, on va minir, bouh, on a kangé, on a le bok, à kofi. Sans plan. Sans programme. Vous en avez un enfant, vous ne pouvez pas mourir comme ça. Moi, on en a vendu à côté de la vie. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous allez en vendre. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous allez en faire pour la bataille. Comment un enfant de Dieu peut accepter de mourir comme n'importe qui? Vous allez en vendre à côté de la vie. Vous allez en vendre à côté de la vie. Vous allez en vendre à côté de la vie. Vous allez en vendre. Pour chaque enfant de Dieu, né de nous. Pour la mort, nous sommes dans notre vie. Par la mort, Dieu, fils, il m'a compris. Par la mort, il m'a compris. Il m'a compris. Il m'a compris. Il m'a compris. Moi, je n'en jambé à côté de moi. Ça y est, là, c'est automatique. Vous allez voir, là, il faut faire les malheurs. Faites confiance à Dieu. Vous allez entendre, monsieur. Je suis fier à l'acheter. Vous pouvez être que je vous. Dieu n'abandonne pas son peuple. Au moment Nathan va y coller autant de disciples ici. Nous avons lu dans Marc 6, non? Oh, même dans les psaumes 1 et 2 avant d'aller dans Marc là-bas. Nous avons un passage ici dans les psaumes 1 et 2. Vous allez dans le nom de quoi? David. David. Dans les psaumes 1 et 2 ici. Il a dit au verset 5. Verset 5. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Amen. Toi dont les années durent éternellement. Amen. Quelle prière. Non. Remonte au verset précédent. C'est ça. Tes années à toi Dieu, mon Dieu, dure éternellement, mais mes années à moi, qui, les quelques signes que tu m'as donné, que tu me prives encore le reste de cela. Il y a eu un second à seco. Il y en a eu au Katamutuya. Ceux qui 120, ceux qui 103. Ce qui est 88. Mais alors, les sont dans vous, vous savez, nous, c'était, non, vous faites avant. Non, j'ai droit à toutes mes années de vie. Et je sais qu'après ces années de vie, je vivrai dans sa présence. J'ai droit à toutes ces années-là. En écrivant ces années, il me voulait ici et pas là-bas. Je ne veux pas les désordres, je veux son ordre. Il a écrit que je serai sous le soleil pendant autant d'années. Je réclamerai chacune de mes années. Même si ce sera dans les épreuves, dans les douleurs, dans les combats, mais il a voulu que je sois. Je préfère aller me reposer. Mais si tu m'as dans l'insurité, et si tu as combattu, et puis tu me reçois dans des années telles, dans nos bogités, vous ne voyez pas que nous sommes injustes là. Et nous voyons du désordre par notre incrédulité. Du désordre partout. Désordre. Même à la mort, désordre. Dans les chapitres, désordre. L'année où on doit créer ta forme n'est pas encore arrivée. Mais toi qui es à cause de l'incrédulité. Il ne faut pas qu'il en soit ici. Ici, dans l'évangile, selon Marc, au chapitre 6, ici, le verset 45-48. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, non pas à entrer dans la tombe. Hein? Vous savez que les épreuves les attendaient là. Mais l'obligation et sa volonté, ce n'était pas qu'il les envoyait dans la tombe, dans les cimetières. Il les a envoyés au front. Qu'il les aille combattre, c'est son ordre. Même si dans ce combat-là, des dangers mortels se dessineront. Mais Dieu ne les avait pas obligés d'accepter la mort. Quand sa volonté te veut combattre, combat. Quand ta course sera finie, alors accepte de partir. Est-ce que nous sommes d'accord tous? Il les a obligés. Mais nous restons dans sa volonté parfaite. Toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Même les douleurs et les maladies. Les douleurs et les cas de Dieu veut que tu combattes. Ne sois pas un lâche pour commencer à préférer la mort. Combat. Même à travers toutes les temps, là, combat toujours. La volonté te veut au front. Toi ne préfères pas la tombe. Combat encore et combat toujours. Êtes-vous là? Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus m'occupait de moi-même. Je vais libérer la foule et tout. Et vous, partez tous. Et quand il a terminé, au lieu même de les suivre, il est monté sur une haute montagne. Il ne les avait pas abandonnés. Laissez-moi vous donner une parole encourageante. Ne pensez pas qu'il les avait abandonnés. Mais il est monté sur une haute montagne pour mieux les voir. Donc pour les observer, atala bango, à partir de Nicolo. Et lui est là en train de tout surveiller. Voilà. Pour intervenir à l'heure fatidique. Il sait faire les choses. Ton Jésus sait faire les choses. Il dit ça. Quand il est renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit. Vous voyez qu'il les observait. Il est allé en prière. On dirait qu'il avait tout fermé, même les yeux et les oreilles. Il vit ses disciples. Sur la montagne en prière, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Même à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à Tabongo, à et quand le danger était si fort, parce que la mort prématurée pouvait voler leur vie, il est venu trop sûr de lui, sortir les eaux, sans se précipiter de secourir, il voulait même les dépasser, car il ne les voulait pas dans les cimetières. Même si les démons ont profité pour faire complot et vouloir, Jésus est certain de sa volonté. Il voulait les exercer au combat. Est-ce que vous voyez, mes amis, que Dieu aide chacun d'entre nous. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Que ton cas à toi lui est inaperçu. Loin de là. Je peux prendre l'élément dans la prédication, n'ayez pas peur. Du 14 avril 1961. Monique, prière à Pokwa les autres, Poitiers, Molimo et tout. L'ongolier bilamba complètement. L'ongolier bilamba complètement. La mort prématurée. Qui soit déshabillé et honteux devant toi. Oui, Amen, Je prends le paragraphe 62. Il les a donc vus. Et ils étaient là, ballottés. Ayant perdu tout espoir. Pendant qu'elle perdait tout espoir, Jésus avait toute assurance. Il y a rien. Et ils ont perdu tout espoir. Mais le Seigneur était trop sûr. Insouciant. C'est ça la force de ton âme. Plus forte que tes faiblesses. Plus forte que ta grande force d'ailleurs. C'est dans cette condition que vous trouvez. Dans cette condition, avec ce pauvre corps mortel, ce bébé qui est étendu presque mort, vous là-bas qui souffrez du cœur, vous là-bas qui souffrez du cancer, c'est là que vous en êtes. Ils ont perdu tout espoir. Vous êtes tenté de croire aux paroles des médecins. Ils commencent à dicter sur votre vie à l'étape Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous avez perdu tout espoir. Mais vous savez quoi? Suivez. Malgré tous nos péchés. Amen. Malgré toutes nos différences, laissez-moi vous donner cette parole d'encouragement. Avant que nous prions, il ne les avait pas abandonnés. Amen. Malgré tous tes péchés, malgré tes différences, face à ce que la parole veut et ce que tu es, face à ce que Dieu veut et ce que tu es, malgré tes péchés là, il ne nous a pas abandonnés. Il était monté sur la plus haute montagne. Il y avait le pouvoir veiller sur eux. Il était assis là-haut, veillant. Lorsqu'il est mort au calvaire, frère, il ne nous a point abandonné. Il a gravi la colline du calvaire, au-delà de la lune, au-delà de la voie lactée blanche, à la droite de Dieu au ciel, et son œil est sur le moineau. Et je sais qu'il veille sur nous ce soir. Il n'était pas allé si loin que ça. Il a vu qu'ils étaient en difficulté. Il a vu que le diable était sur le point de les avoir. Il voit que le diable est sur le point de vous avoir tous. Il voit que c'est tout prêt. Vous allez prématurément dans la tombe. Certains d'entre vous y vont comme pécheurs. Si vous ne vous répentez pas. Si vous ne vous répentez pas. Certains d'entre vous iront prématurément parce que la maladie de Satan s'est introduite et vous a ôté la vie. Mais rappelez-vous, il est assis dans le lieu céleste. Il veille. Attendant de confirmer sa parole. Il veille sur elle pour la confirmer. Est-ce juste? Y a-t-il un cœur qui y croit fermement? Amen. Alors, esprit de mort, demeure là où tu es. Voleur de mort prématuré. Voleur de vie et de consacré de vie. Reste là où tu es là. Très loin d'ici. Laisse les combattants combattre. Qu'ils qu'ils combattent encore les bons combats sur les frères. Quand le temps de Dieu arrivera, chacun franchira alors le Jourdain. Qui dit Amen? Êtes-vous fort? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Vous vous sentez vainqueur? Pour posséder toute porte de l'ennemi. Quel que soit le nom de cela, l'échec. Même la porte appelée l'échec. Que Dieu a dit que tout ce que vous faites réussira. Amen. Vous avez un Dieu redoutable. Vous avez un Dieu redoutable. Vous avez un Dieu redoutable. Vous avez un Dieu redoutable. Vous avez un Dieu redoutable. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons cantique Hosanna numéro 128. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Que l'ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Vous qui connaissez nos défaillances, dans chaque de chaque chaque jour, verrons ses exigences, il est riche en son amour, il a baissé des bêtons, nous avons en Jésus-Christ. Nous comprendre quand nous sommes en souci. Oh, disons-les, dans les taux de nos peines. Où aller, oh, on rite notre cœur. Bien pour ces paroles saines. Il nous suit dans la mêlée. De la vie. Notre Dieu plus majestueux. Plus puissant. Que la montagne sur laquelle cet esprit se cache. Et la montagne s'appelle maladie, cancer. Tuberculose, diabète. Hypertension artérielle. Hémorragie intestinale. Digestive. La maladie du cœur. Maladie des peaux. Quoi que ce soit. Dieu est plus puissant que ces maladies. Il est plus majestueux que ces maladies. Des ravisseurs qui ravissent notre bonheur. Des ravisseurs qui ravissent notre paix. Des ravisseurs qui veulent ravir notre joie de vivre. Qui veulent nous s'afficher. L'ange de Dieu interviendra pour nous. Il est là pour chaque croyant. Pour chaque enfant de Dieu. Faisons-lui confiance. que nous nous sommes à la parole. Nous sommes aux promesses de Dieu. Chassez la paix. Chassez l'ignorance. Nous sommes plus qu'à Dakar. Prions chacun. Je suis faible, tu es fort. Oh. Jésus, garde-moi du mal. Je serai, satisfait tous les jours comme je marche. Garde-moi près de toi. Oh, marche toujours avec toi. Oh, agneau, Jésus, exauce ma prière. Exauce-moi, marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oh, marche toujours avec toi. Dis mon agneau, Jésus, exauce ma prière. Exauce-moi, marche toujours près de toi. Oh, laisse que l'on soit ainsi, cher Seigneur. Dans ce monde de peine et piège, en tombant que mes secours, il m'aide à porter ma voix. Adore seulement toi, cher Seigneur, seulement toi. Oh, marche toujours avec toi. Tout l'agneau, Jésus, exauce ma prière. Exauce-moi, marche toujours près de toi. Tout l'excellent soit ainsi, cher Seigneur. Mon faible vie expire, mon temps ne sera le temps que Dieu a marqué dans son livre. Guide-moi en sécurité vers le rivage de ton royaume. Oh, marche toujours avec toi. Tu mon agneau, oh Christ, exauce ma prière. Exauce-moi, marche toujours avec toi. Tout l'esquelon soit ainsi, cher Seigneur. L'ange de Dieu contre la mort prématurée. Amen. Toi, ne cède pas par l'incrédulité. L'ange de ton Dieu est contre la mort prématurée. Fais confiance à Dieu à ses promesses. Refuse de voir tout ce qui est contraire à la parole. Ça n'existe même pas. Comme disaient les paroles de ces dernières strophes ici. Quand ma faible vie expire. L'expiration, c'est la date limite que le fabricant du produit a mentionné sur le produit. Et pour nous les humains, c'est Dieu le Créateur. Avant que tu ne naisses, la Bible dit que tous les jours de ta vie étaient inscrits dans le livre de Dieu. Tous les années de ta vie. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Le dernier jour, la dernière année, le dernier mois, la dernière année, c'est ça la date d'expiration. Alors quand cette date-là arrivera, alors comme on chante ici, et mon temps ne sera plus. Le temps de vivre, comme j'ai épuisé mon délai, j'ai épuisé la durée prévue par Dieu, alors je me réponds du temps prévu par Dieu pour mon délai. C'est pas la quête que j'attendrai, comme tous les voyageurs ici bas, guide-moi en sécurité, c'est-à-dire dans l'au-delà, dans la précipité sous le soleil, le Dieu que j'adore, que j'ai servi quand mon délai sera épuisé, les années de ma vie seront toutes épuisées. Alors maintenant, guide-moi en sécurité vers le rivage de ton royaume. Ceci revient également à dire, oh mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Ne m'enlève pas. Ne me laisse pas partir avant mon temps. Toutes les années que tu as prévu que je sois dans ta volonté, je vais toutes les consommer. Même malade faible, combattu et abattu, je vais transformer toute personne. Toujours au combat. Au front. Quand j'aurai achevé ma course, alors là je m'en irai. Au temps marqué par Dieu. Pas avant. Que Dieu édifie ta foi. Pour ne donner occasion à aucun esprit de voler ta joie, de voler ta paix, de voler ta santé, de voler ta réussite, de voler ton succès, de voler ta performance. Parce que c'est non catégorique. Parce que la parole t'a promis, c'est ce que tu dois. Oui. Dieu le sait. C'est un droit légitime. Les anges de Dieu le savent. Même les démons le savent. Tu as des droits divins. Des droits incontestables. Même quand ils essayent là, ils osent, c'est avec peur. Ils tremblent même. Est-ce qu'il ne va pas se réveiller? Est-ce qu'il ne va pas nous surprendre? Alors, ne te laisse pas faire. L'ange de Dieu, l'ange de ton Dieu est contre la mort. Dieu bien-aimé, notre Père, je confie à toi les trophées de l'Évangile. Chaque croyant qui a cru cette parole prêchée, alors que Esaïe avait dit qui a cru Seigneur notre Père, je peux dire que ce soir les voici qui ont cru. Ils ont cru à cette prédication. Et ils ont résisté à l'esprit de mort de ma vie. À ces voleurs méchants qui endeuillent des familles égyptiennes. Même parmi les chrétiens, à cause de la lâcheté des lignements, de la distraction, des consécrations. Mais Père, nous fermons la porte. Manifeste notre victoire. Honore notre foi, Seigneur. Nous voulons avancer de mieux en mieux. Brise la peur là où elle continue à opérer. À cause des idées préconçues. À cause des pensées diverses. On peut dissocier de cela. Nous cherchons les démons. Toi qui tiens le prêt, plus puissant que les montagnes de l'Israël. Le roi suprême est piège. Que tous les complots soient détruits. Que la gloire du Seigneur revienne dans nos vies. Qu'elle rentre dans nos maisons. Qu'elle rentre dans le milieu du travail. Que le succès nous accompagne. La prospérité, la réussite totale. Au nom de Jésus-Christ, nous avons confiance que tu nous gardes là. Jusqu'à nous revoir encore. Et pour ta gloire éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse par son amour.